Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans la 25e, tous les jeudis soirs, 22h, minuit, 101.8, Radio Sud.net. C'était le son de LD Ace, Freestyle le D. Vous pouvez retrouver le clip sur YouTube. N'hésitez pas à y aller. Et je vais enchaîner avec un mec aussi d'ici qui s'appelle PFL. Son son, c'est Déterminé. C'est une exclusivité. Il nous a envoyé ça sur le mail là. Et il va le sortir samedi 16 février en streaming. Donc vous pourrez tout retrouver aussi sur sa chaîne YouTube PFL Music. Et son Insta, c'est Nico-8PFL. Donc j'envoie ça. Ils ont pas un vrai pour ce qu'on va leur envoyer. Je dis pas de moi, je suis déterminé. Ouais, on va les traumatiser. Ils ont pas un vrai pour ce qu'on va leur envoyer. Je dis pas de moi, je suis déterminé. Ouais, on va les traumatiser. J'écris, je règle, je traîne en bas de chez moi. T'as capté, pote, on fait du le ça. Je reçois des prods de mon gars Wolfo. Et donc moi je me remets au boulot. Monte le son dans ta caisse, même en état d'ivresse. Que tu sois en Mercedes ou en Clio de la Hesse. Et puis y'a Redou, il devient fou. Parce que quand je fais du son, bah je sors pareil ou. Ils ont pas un vrai pour ce qu'on va leur envoyer. Je dis pas de moi, je suis déterminé. Ouais, on va les traumatiser. Ouais, on va les traumatiser. Tu voudrais des billets, mais toi t'as même pas de pièces. J'en connais qui dealaient pour des ceintures Hermès. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yes, yes, yes. Voilà, voilà, voilà, voilà. Il est 23h02. On a un petit peu de retard, ouais. Mais bon, c'est pas grave. On passe dans la deuxième heure. On est avec La Balistique, l'émission spéciale. Ouais, ouais, bang, ouais. Bang. Ouais, si, si, gars, si. Ça va quoi? Ça va, tranquille. Ça va? Ah, fort, mon gars. Si, si, on est là. Luffy, Negrito. Ouais, merci d'être passé la semaine dernière, les gars. C'était lourd. Toujours. C'était lourd. Merci beaucoup. Oh. On va commencer. On va vous expliquer un peu. On vous a fait une petite interview bien personnalisée. On va vous poser plusieurs questions, faire des jeux avec vous, passer vos sons évidemment, et puis on finira par un petit freestyle. Ok. Vas-y. Avant tout, pour les auditeurs, c'est quoi? C'est qui La Balistique en chiffres? C'est 7 clips sur leur chaîne YouTube, 585 abonnés, 35 810 vues en cumulé. Et le clip le plus vu, c'est Piraterie 1, avec 14 000 vues, je crois. Ça fait longtemps. Bah, c'est le plus vu sur la chaîne. Sur Insta, cumulé, si je compte vos trois comptes, vos deux persos plus La Balistique, vous êtes à 2112 abonnés. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ça. Yes. Ça vous semble correct ou pas? Non, c'est pas correct. C'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas correct, mon gars? Ouais, je crois que c'est 2000 vues, c'est quoi, mon gars? Il faut plus pour être satisfait. Voilà, tu vois, on est d'accord. L'ambition, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. C'est que le début, c'est que le début. C'est pas mal. Si. Bon, les gars, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, vous aviez sorti un clip, Tata. Ouais. On l'avait passé la semaine dernière, mais j'ai décidé de le repasser directement pour ouvrir. Ouais, ouais. Puis après, on passe aux questions. C'est, bah, c'est là, bon la pour Tata, vous elle est corda, bien sûr. Mais bien sûr, c'est de la frappe. La Tata, bien sûr, la Tata est corda. Vas-y, c'est parti. Balance ça. La Balistique, mon frère. Rappeur en coton, on freestyle, il bégaye, ramène toute ton équipe, voir qui va détaler. Y'a le fils ou pas, ta soeur qui tape la frappe, ta famille de Yankar, pourquoi tu fais le grossiste? Y'a la barre qui me contrôle, 2 grammes dans le poche, t'as rien demande si c'est bon, je réponds que c'est de la frappe. Bien sûr que c'est de la frappe, bien sûr que c'est de la frappe. Ah putain, là je suis trop énervé, t'es pas de l'équipe, tu niques ta mère. Bah les couilles, si tu me trouves trop vulgaire, je fonce des sous BR et je me balade à tunique à l'air. Tu me dis que t'es chaud, t'en as pas l'air. Et le shit, il s'effrite comme du pollen. Je veux qu'elle me fasse déplater de tes boudjens. Mon fantasme, quand tes bouches, c'est grosses fesses. Et là, mais toi, t'es un fils d'inceste. Si je vise le sommet, personne peut m'arrêter. Je suis dans le vaisseau mère, je te laisse galérer à pied. Quand j'étais dans la merde, est-ce que tu m'as aidé? Foutre le feu comme Johnny Hallyday. Faire du sale, c'est un peu sale idée. Et un frère, jamais je le salirai. Dans la haine, on est tous solidaires. Pire que les restos du cœur. Dans ta chatte, tu peux garder ton cœur. Peu d'état d'âme si t'es dans le viseur. Dans la brasse, on fait toutes les saisons, y'a de la frappe dans chacun de mes poches. Je te raconte pas, j'y ai tes présents, toi t'es une poucave qui part sur les gens. Je te raconte pas, j'y ai tes présents, toi t'es une poucave qui part sur les gens. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinant, on débite vraiment trop facilement. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinant, on débite vraiment trop facilement. Pour faire du hit, il faut du flou. Je casse tes lunettes, tu vois flou. Du vocabat en baiser la route. Tu cours, tu penses jouer, t'es fou. Une touffe de taf, je remplis mes poches. Un corps de corps jeté du toit. Le four, il tourne des trous. Du bif, tu dois billet identique qui soit sale ou propre. Fais pas le gâteau, monster, c'est une loque. Ça t'envoie au charbon, fais tes tiges. Réveillé par la stupa, 6 heures au clock au-dessus de vous. J'ai pas le vertige. Je suis serein, pas d'âme factice. Cagoulé, pas de fantaisie. Glock à rote 5 quand tu plus 10, la moitié pour tes parésies. Si tu veux de la bonne, viens goûter ma résine. Dans les poumons, filmé de bédos toxiques. Descente, ça rentre chez la voisine. On tient la zone comme El Chapo au Mexique. 2 ans après, j'ai pris 10 cm et je te calme. Fais pas le fou, tu vas descendre 10 étages. Il t'aime bien, il déteste, c'est des fans. J'suis du lourd, pis j'vends au pelage. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinant, on débite vraiment trop facilement. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinant. On débite vraiment trop facilement. Radio La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Si, la balistique émission spéciale ce soir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Ouais. Bon, les gars, je me demandais. Dites-nous quel âge vous avez. Après, vous n'êtes pas obligé de déclarer votre vrai âge, hein, peut-être. Ah, si, tu connais. Ah, pas de galère. Et depuis quand vous faites du peura, à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Dites-moi tout, on a envie de savoir. Moi, j'ai 19 ans. Ok. Le rap, toi, t'es qui? On a la radio. Moi, c'est Negrito. Voilà. Negrito BLK. 19 ans, yes. Je rappe, je commence à m'intéresser au rap à mes 12 ans, mais je commence à faire, à prendre les choses, on va dire comme ça, les choses un peu au sérieux à 16 ans par là, 15 ans, 16 ans. Ok. Avec mon clip, avec le premier clip Piratrine là. Si. Voilà. Ce fameux clip qui t'a lancé. Okay. Luffy. Ouais, moi tu connais, moi j'ai 16 piges mon gars. Voilà, si. Moi j'ai 16 piges mon gars. Et vas-y, moi, je sais pas, j'ai commencé. Moi, j'ai rappé, c'était. Je sais pas. Ça fait quoi? J'étais en seconde. J'étais en seconde. J'étais en seconde, j'ai envoyé le clip avec KXR, Masta. Ah, Masta, bah ouais. Celui-ci-là, bah, j'ai envoyé celui-là. Yes. Et ben, bah, vas-y, c'est là. Hein. J'ai commencé, c'était l'année dernière, je crois. Ok. Octobre. Il y a un clip de ça, ça a été tourné. Ouais, il y a un clip avec Maïdo. Ouais, par Maïdo, le clip. Ok. Si. Et avant la balistique, ouais. Est-ce que vous étiez que en solo ou est-ce que vous connaissiez déjà, vous faisiez déjà des sons ensemble ou? Ah, on a envoyé un freestyle, wesh. Ouais. Bave quoi, toi? Hein? Oh, tu racontes, non? Bah ouais, on a envoyé un freestyle, wesh. Ouais. Ouais. Si. On a envoyé un freestyle. Ok. Ça s'appelait Luffy. Yes. Ok. Si. Ça, c'était mon premier, vas-y, moi j'étais. J'étais bien, mais j'étais gaze un peu quand même. Okay. Ouais, j'étais jeune. Là, c'est les débuts, tu connais. Ouais, des fois, ouais, on n'est pas très bon. Mais vas-y, on se rattrape, tu connais. C'est normal. Bien vu. Donc, et... toi, Luffy, tu t'es toujours appelé Luffy. Est-ce que vous aviez des... Est-ce que vous avez envie de déclarer vos anciens blazes? Quels anciens blazes? Moi, c'est Luffy. C'est Luffy. L-U-2-F-Y, bang bang, c'est tout. Et pourquoi Luffy d'ailleurs? Pourquoi Luffy? Parce que vas-y, Luffy dans One Piece. Ah, lui, c'est un ouf. Ah, voilà, lui, c'est un ouf. Walter, c'est un ouf. Ça veut dire, vas-y, lui, c'est un ouf. Moi, je vais pas dire que je suis un ouf, mais t'as capté, dans ma tête, je suis un ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Tu t'identifies au bout. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est le Sgar, mon gars. Ça veut dire, vas-y. Moi, je m'identifie un petit peu comme lui, on est un rat de pied. Si. Référence manga. Si. Ouais. Et toi, Negrito? Moi, avant, c'était Réfé avant, tu vois. Elle Réfé, mais après, j'ai changé. Pourquoi? Après... T'es plus le chef? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'après, moi, je suis un gars, tu vois, je suis fier de ma couleur de peau, t'as vu? Si. Du coup, t'as Negrito. Vu, avant, tu sais, la négritude, Negrito, ça vient de là, le lien. Si. La force africaine, mon gars, voilà. Tu connais. Negrito, c'est quoi? Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, Sénégal. Je me trompe pas. Gabon 2-4-1. Le sang pur, mon gars. Yes. Et la balistique, du coup, officiellement, création du groupe, c'est, ça date de quand? Un an? Non, même pas. Quelques mois? Ça date de quoi? Non. Hein? Ça date de quoi? Parce que... Attends. Entre-temps... Non, ça date de quoi, Balistique? Ça date du freestyle d'Adjigno. D'Adjigno, exact. De là, on est parti. Ça a concrétisé. Ok. De là, on est parti avec D'Adjigno. À partir de D'Adjigno, on a envoyé Balistique. Ok. Sinon, voilà, ouais. Ok. Changement de mood. Yes. Exactement. J'avais une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Pourquoi CIS Gang, c'est fini? Tu sais quoi? Vas-y, c'était des bons, mon gars. Ou... Mais c'était gentil. Ouais. Mais vas-y, des fois, on vous est bien. Mieux mais à deux, on avance. Okay. Des fois, on avance mieux à deux qu'à plusieurs. Après, comment... force à eux, tu vois. Non tu vois, force à eux. Tu as capté, on est mieux. Mais tu connais. Non, parce que je me souviens que moi, j'ai des fois, une séparation, ça fait du bien. Tu vois, comment? Comme dans un couple. Mais des fois, c'est pas bon. Tu vois, des fois, c'est pas bon. Des fois, il faut pas, tu connais. Ah, mais Saint-Valentin, voilà, on fait pas ça. Non, si, bien joué. Ok. Non, parce que je me souviens que j'étais venu sur le clip qu'on avait tourné là-bas. Ouais, la purge. La purge. Si, puis c'était CIS Gang et c'est après, j'ai vu que ça avait changé tout ça, tu vois. Ok, et dernière question avant de passer au premier petit jeu. Où est-ce que vous vous enregistrez? Est-ce que vous enregistrez tout seul? Est-ce que vous allez dans des studios? Qui fait vos clips? Est-ce que vous faites tout vous-même? On veut bien savoir, tu vois. Est-ce que vous avez un studio? Est-ce que vous allez chez quelqu'un? Je sais pas, tu vois. Moi, j'ai un studio, moi, que je recommande fortement. C'est Bizal Productions. Voilà, yes. Il est chaud, il est bon. C'est où, sur Besançon? C'est sur Besançon, mon gars. Okay. Quand on le contacte, Bizal Productions. Le contacte comment, lui, du coup? Bizal Productions sur Instagram. Okay. Yes. Sur les réseaux. Et puis sinon, après aussi, on a enregistré au Mur du Son aussi, à Paname, là. Le son Tata, là. Ouais, Tata. Tata. Ah, Tata, il a enregistré là-bas. Ouais. Ok, d'accord. Ce studio, on le connaît, le Mur du Son. Les Murs du Son. Bah, c'est grâce à. C'est, on est allé là-bas, on a connu ça grâce à Chao. Ok. Ouais. Chao nous a ramené là-bas. Nous avons amené là-bas et tout. Après, on a direct kiffé l'ambiance là-bas, tu vois. C'est lourd. Du coup, c'est lourd. On a voulu retourner. Les Boogs, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, t'as capté. Pas des mythos. Grave. Vraiment, je connais. Et on a dormi chez Bang Bang à Viltan. Ah, c'était le cigare. Voilà. Bang Bang là. Bang aussi, vous. Force à lui, Bang. Force Bang. À Bang Bang. Force à Bang Bang, ma mère. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, vu que Bang Bang fait partie du Mekong Soul. Ouais. Ce soir, il y a un nouveau clip qui est sorti, Mekong Soul, pas parfait. Donc, je fais une petite promo en passant, tu vois. C'est gratuit. On va aller voir. Force, faut checker. Voilà, prenez ça. Si, venez la force. Allez-y. Kellogg's. Jounes, t'avais un petit jeu. Ouais, Jounes. C'est même pas un petit jeu, là. On voyait la sauce, là. Je vois sur mon téléphone. Toi, t'es joueur. J'ai différents appels masqués. Hey, donc on va écouter ce que c'est. Shaolin, oui. Est-ce que tu peux brancher mon téléphone que je décroche mon appel masqué là vite fait? Vas-y. Ok. C'est branché. Vas-y, on va écouter ça. Ouais, allô. Ouais. J'ai une petite question pour le fille là de BLK là. Je suis allé sur ton Insta, j'ai vu sur 12 publications, il y en a 6 où tu fais des doigts d'honneur. Pourquoi? C'est quoi le délire? Tu veux faire peur à qui? Pourquoi tu fais les doigts d'honneur comme ça, mon pote? Vas-y, réponds. Comment, wesh? Oh, ma gueule. C'est quoi? Réponds cash, ma gueule. Vas-y, réponds-lui. Voilà, c'est quoi, toi et moi, tête à tête, ma gueule, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est quoi? Voilà, on va pas parler chinois, ma gueule. Voilà, viens, on se regarde. Viens, on se voit, ma gueule. Octogone. Voilà, comment tu parles comme ça, voilà? Walter, c'est trop, wesh. Non, en vrai, ma gueule, voilà, c'est parce que vas-y, tu sais. C'est des doigts, mon gars, c'est tout, frère. C'est quoi pour toi? C'est l'image du doigt, tu sais. Vas-y, il m'en bat les couilles. Rien à foutre. T'as capté. Quand on fait des doigts, moi, je suis plus. C'est pas charismatique, mais c'est un symbole qu'on dit beaucoup. C'est dire ça, on dit beaucoup. T'as capté. Je veux dire beaucoup de choses grâce à ça. C'est. Bien vu. Attends, je crois que j'ai un autre appel là, du coup. Merde, attends, je vais couper le son là. Je sais pas qui c'est. Merde. Dis voir. Oui, allô, bonjour. J'ai une petite question pour Negrito de la Balistique. Alors, j'ai regardé votre clip Tata, et à l'intérieur, vous avez un casque de moto sur la tête. Ouais. Je me demandais, est-ce que vous avez tout le temps un casque sur la tête, et pourquoi? Merci. Ils sont non, fous, wesh. Le casque, c'était pourquoi le casque, c'était pour le flow, t'as vu? Ah. Mon gars, tu connais, voilà. T'as capté. Des fois, franchement, j'étais un jazz, mon gars. Obligé. Montrer un peu de charisme, t'as capté. À la Daft Punk. Donc, casqué, mon gars, charqué. Voilà, on peut te fumer, ma gueule. Donc, c'est la tête. Si, si. En plus, il n'y avait même pas de moto dans le clip. Il y avait un scooter, mon gars. Il y avait un scooter. Ça sert, ça monte à 5 dessus, mon gars. T'inquiète. Donc, vas-y, on est pas mal, on est pas mal. Si, je crois que joué. C'est bon, j'éteins mon téléphone, là, c'est mort. Ça y est, il faut raccrocher, là. On m'appelle. Ils sont insolents, les gens. C'est bon, c'est fini, l'appel cagoulé, là, putain, merde. Si, si. Dérange, wesh. Avant de passer le son, mets-moi un petit jingle, s'il te plaît, ma gueule. Attends, tu veux ça, tu le veux comment? Je le veux. Allez. Ta 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès. 22h. Oh, c'est un scar, le truc, voilà. 101.8. Vas-y, moi, il me pose des questions. Vous êtes toujours dans la 25e, 22h minuit. On est dans la deuxième heure, émission spéciale. La balistique, ils sont avec nous, ils nous ont passé 2-3 exclus, donc on va vous mettre ça. On va passer la balistique et KXR, on fait le taf. Aïe, aïe, aïe. Et après, Forza on enchaîne. KXR, bang, bang. Fort, fort, fort, bien joué, bien joué. C'est parti. BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. C'est des millions de dollars, évitez à tout prix des dollars. Sinon, c'est trop tard. À Noël, le maton, c'est le père fouettard. Tous les jours, c'est un passe-temps. Faire venir en masse tous les passants. Dans le four, y'a ta durée de la pasta. Revolver et y'a pas de sur la scène du crime. 2-3 rails, tu tombes, tu chutes. Tiens, cliquer. Prends pour 6 chutes. Si t'es vif, puisqu'il habite pour les sous devenus bruts. Des négros déchaînés dans la horde. Oh les gros, les saintoirs, ils te mordent. Balance les côtés, on va bien chicoter dans nos corps. Pas que trop maigras dans le fort. Vie aux sociétés et ça leur met le feu. Dans la nuit, ça a tiré tous les jours des coups de flasque. Pas de soucis pour aller si tu coffres. Y'a les temples qui menacent. C'est prévu que je me taille, je fais ma liasse. Billets verts pour 6%, mais pas pour des tasses. Pose-toi tout l'hiver, on verra si t'as la dalle. En Espagne, souffle un coup, Lady Dallas. En Espagne, souffle un coup, Lady Dallas. Ça parle beaucoup, mais ça fait rien. Mental de fou, des va-et-viens. Tu deviens mou, t'as plus de flouze. Mes yeux sont rouges, mais j'y peux rien. Je me tape au tag à toute la noche. Je veux pile up le gamin, je vais teinter. Je sais pour ça, négro, faut gratter. Donc, je vais rapper juste checker le succès. Quand t'es dans le trou, y'a personne. Quand tu te relèves, c'est là que ça agit. Tu sais que je démonte la plus bonne. Ton daron, t'as des queues sur mythique. Alors, je décale vite. J'oublie mes soucis avec 2-3 spliffs. Elle me complimente sur mon putain de fit. Soyons qu'un de merde dans la plainte, le pif. J'ai plus d'amis, Renoir, j'ai que de la mif. Mais ferme-la, on sait mon gars. Quand tu attaques pas, tu te dessables. Je veux la vie là pour la mama. Car j'en ai marre qu'on soit si bas. Je détaille la mélo comme Mozart. Je prends mes affaires et je décore pas de speed boy. Mais j'en ai marre, je vais tout casser. Mon gars, est-ce que t'as fait le pari boy? Un peu d'impro pour toi, négro. Un gramme de ce fort, je suis dans le pento. Elle casse la démarche, elle est trop chaude. Mais t'as voulu faire des trucs cochons. Bref, pour la guerre, pas la potence. T'allumes ta mère à bout portant. Elle est maquée, peu d'importance. Une fois que c'est fini, ça recommence. Elle a le coup de couteau à 100%. Les queues vides débarquent sur la Houston. Et dans ce que je fais, je suis 1%. Tu te passes, c'est un truc qui est violent. Casse l'instru, ta mère vente de la peine. Une minute, sa mère en deuil. Faut trop pour c'est la passion. Je tourne en rond, mais c'est carré. Je vous épouse tout, vous êtes pas prêts. T'as l'imprécoce comme Mbappé. Tu tapes dedans, on a bigrave. Dans le carreau, 52 femmes. Part de son ex, moi je veux la ça. Une belle ivoirienne pour la noche. Et plus une galsaine pour la vida. Ça rame toute l'ami. Une hasbass PD à lâcher des grosses larmes. Grosses larmes. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. La BLK et KXR, on fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. Radio. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, c'était le son de la balistique et KXR. Bang, on bang. Fait le taf. Vous l'avez taffé où celui-là, les gars? Les murs du son. Les murs du son. Wow. Encore une fois. Ok, ok. Donc pour ceux qui ne savent pas, les murs du son, c'est un studio qui est dans le 9-1. Saint-Michel sur Orge, exactement. Mmh. Où tu peux croiser peut-être 2-3 têtes, même quand tu vas enregistrer. Donc, bien, lourd. Lourd. Le big up à KXR aussi, au passage. Voilà. Qu'on invitera avec grand plaisir dans l'émission. On va enchaîner. Moi, je voulais parler un peu de vos influences. Vos influences, c'est quoi, vous, vos classiques? C'est quoi votre album qui vous a donné envie de faire du Peura ou vous avez écouté en boucle quand vous étiez plus petit, tout ça, tu vois? Eni, mon gars. Eni. Nino, wesh. Ah ouais. Celui, wesh. Mais c'est lui l'a donné envie, wesh. C'est à capter. C'est assez récent, quand même. Non, Nino, c'est depuis 2016, par là, non? Ouais, 2015. Mais là, on est en 2019. Après, t'as capté, nous, on est des gars, ma gueule. Ouais, là, on n'a pas commencé le rap en 2000, ma gueule. Ouais, capté. Ouais. Moi, tu me parles de 50 Cent, tout ça, je connais, mais c'est pas ma gênée, tu vois. T'as commencé à écouter quoi comme rap? Voilà, moi, j'écoutais Section d'Assaut, ma gueule. Ah, okay. Voilà, okay. L'ancienne, ma gueule, j'étais petit, ça m'a sonné, ça. merci. Avant, ils ont L'école des points vitaux, là, c'était ça? Ouais, il y avait même un avant. L'écrasement de tête, même encore avant ça. Ouais, bref. L'Empire du Milieu, je sais plus comment ça s'appelait. Si, si. Où ils chantaient, où ils rappaient encore. Ok. Maintenant, ils gagnent de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, exact. Deux projets différents. Et c'est quoi vos... Enfin, c'est qui vos artistes références, entre guillemets, des mecs que vous écoutez tous les jours ou tu vois? Kalash Criminel. Caris. Sans blase. Beaucoup de violence, là. Nino. Maes. C'est beaucoup de nouveaux, entre guillemets, ou... Ouais, bah ouais. Mais non, pas si nouveau que ça, en vrai. Hein. Parce que tu regardes bien, tu sais, les gars, ils sont là depuis... Tu sais, enfin... Pour les Nino, Caris, déjà Caris, il est là depuis longtemps, Caris, t'as vu? Après Nino aussi, ça fait un bon moment, il est dedans, il a fait sa place, lui, tu sais. Ouais. Ça fait un bon moment, il est là quand même. C'est vrai. Après, voilà, ça écoute de tout. Hein. Voilà. Bah justement, vous êtes plus rap français, rap américain. Ah, rap français, mon gars. Voilà. Peut-être un autre pays, tu vois. Je sais qu'il y a les Allemands, ils sont chauds. Ouais, toi, ouais, si les Allemands, ouais, même ouais. Si ouais, ouais. Les Allemands, les mystiques. Ah, ouais. Ochoa, je sais pas quoi, là, Ochoa, ouais. Je sais pas qui, là, lui, là. C'est chaud, hein, mon gars. Luciano, loco. Ouais. Donc vous êtes plus quoi, du coup? Moi, c'est quoi, rap français? Mais après, tu sais, j'écoute du Quinri aussi, tu vois, non? Genre, dans le Quinri, tu sais, après, tu sais pas. J'ai pas des connaissances tant que ça dans le Quinri, mais après, tu vois, non, je connais quand même. Tu vas mettre des sons, je peux connaître quand même, t'as vu? Si, si. Migos, tout ça. Si. Et justement, dans les dernières, on va dire, entre guillemets, les dernières sorties d'albums, que ce soit rap français, rap américain, est-ce qu'il y en a un que vous sortez plus que d'autres, qui sort du lot pour vous dans les dernières sorties? Co-balader, lui, c'est ma corda, mon gars. Oba. Le bat là, le bat 7. Ouais, c'est, ouais. Pas le 7. C'est pas celui-là, c'est pas ça, celui-là. Ah ouais? C'est Tranvi, non? Je crois. Cobalade. Non, ça c'est un son, mon gars. Oh, okay. C'est 7. 7. Merci, Eddy. Ok, Cobalade. Et toi, Negrito? Moi? Après, tiens, moi je m'intéresse pas trop aux sorties des albums, tu vois, non? Qu'un... Tu sais, après Koba, il était chaud son bail. Sinon, après là, récemment, le truc que je me suis intéressé, c'est le truc de Caris, là. Son album. Hors Noir 3. Ouais. Hors Noir, ouais. Son album à Caris, ouais, il est bon, lui. Il est bon dedans. D'après les critiques, il est mielleux, cet album, quand même. Hein. C'est-à-dire mielleux. Ah, mielleux. Bon, il y a eu Caris de Hors Noir. Ouais. C'est-à-dire quoi? Plus calme, tu veux dire. Ah, il a évolué. Il est papa. Après, ça, ah, mon gars, après, ça, on l'a. T'as écouté ça, on l'a. Non, je vous cache pas. Après Caris, c'est quoi lui? C'est quoi? Il a réussi à s'adapter aussi, lui, à la gênée, tu vois? Il y en a des anciens, ils ont pas réussi à s'adapter, t'as capté. Arrête, vas-y, je les ai oubliés, moi. Ouais. Genre, vas-y, Rof, t'es les... Ouais, t'as capté. Ouais. Non, même Rof, il est encore un peu présent avec son nouveau, son dernier album, je crois. Naturel. Ouais, il essaye de s'adapter, mais c'est... Vas-y, c'est trop... Mais sinon, après, t'es Caris, dépassé, c'est bon. Ouais, vous êtes assez jeune, vous trouvez que c'est un peu dépassé, quand même. Ouais, mais après, c'est écoutable. Booba, mon gars, lui, ou Caris, ma gueule, et même Rimka, ils sont là, ils rappent comme si, on dirait, ils ont 20 piges. Voilà, c'est vrai que Rimka a évolué aussi. Mettre Corda alors que vas-y, les gars se prêtent faire, mon gars. Grave. Ils sont là, ils sont chauds comme ça, tu dis wesh. Papa, wesh. Oh. Hey, ouais. Si. Justement, Luffy, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ton blaze en référence à One Piece, les mangas, est-ce qu'il y avait peut-être des dessins animés que vous regardiez petit? Ah, mon gars, moi, voilà, je vais pas te mentir, les dessins animés depuis que je suis petit. En fait, tu sais, vas-y, j'aime pas ça, en fait. Okay. Moi, j'aime les films, mon gars. Ok. Les films d'action. Okay. Est-ce que t'as des films comme ça qui te viennent public, en tête? Public ennemi. Ok. Ok. Lourd, lourd. Breaking Bad, sinon, des séries aussi. Des acteurs, peut-être, des acteurs... Je sais pas, moi, je sais que Denzel Washington, c'est mon gars, tu vois. Ah, après, moi, c'est The Rock, t'as... mon gars, ouais. Ah, ouais. The Rock, ouais. The Rock, ah, c'est tu pas... Tu vois, un négro balèze comme ça, mon gars. Le gars, il est balèze. Tu sais, tu vas pas parler avec lui. C'est chaud. Si, si. Si, si. Ok. Vas-y. Donc, toi, tu serais plus dans un mélange de... Luffy, The Rock Luffy et Vin Diesel, mon gars. Ah ouais, ah ouais. T'as capté un petit mélange. Un petit mélange, un petit mélange testostérone. Negrito, tu t'es mis au fond de ta chaise, c'est quoi, t'as... Ah, c'est pipi, mon gars. Non, moi, j'écoute, mon gars, wesh. Là, t'inquiète, okay, j'écoute, okay, wesh. Vas-y, vas-y. T'as vu, non ? Toi, c'est quoi ? Quel film ? Quel film, là, qui te vient en tête, là ? Waouh, film. Titanic. Moi, je pense à... Tiens, moi, je pense à ton truc manga, là. Ouais. Moi, c'était quoi ? C'était Naruto, moi. Naruto, à fond. Ouais, à fond. Plus belle la vie, tout ça. Ah, tu as raconté, wesh, je pense ça, wesh. Arrête les trucs comme ça, wesh. Oh, je sais pas, moi, je propose. Il essaye de t'aider, non, mais. Je vois, t'es timide, non, au fond de la chaise. Ouais. Faut le temps de s'y faire un peu, tu vois, non. Vas-y, non, c'est bon, t'inquiète. Saison 2, tu seras plus à l'aise. Là, bon, justement, on avait un petit jeu pour rapport. J'ai un petit jeu pour vous. Vous êtes ensemble, si vous faites équipe d'habitude, mais là, on va. Vous allez jouer chacun pour vous. Je vais vous passer quelques extraits de films. Et c'est au premier qui trouve. Gagne le bail. Il y a un truc à gagner à la fin, je vous dis pas encore ce que c'est. Pardon. Luffy, presque, il s'est levé. Il est chaud. Moi, presque, je suis chaud même. Allez, on est parti. Premier extrait, c'est au plus rapide. Hein. Vas-y, Cordon. Cogno, regarde ça. Tony Montana, mon gars, wesh, t'es ouf ou quoi, wesh? Scarface, mon gars, wesh. Ah, direct, là, wesh. Scarface, non, mon gars, wesh, non, parce que t'as eu le film, mais moi, t'es, vas-y. Attends, on met l'extrait en entier quand même. Non, mais le feat, ah, il a démarré. Mon gars, moi, tu connais. Il est trop fou, ce gars. Putain d'oignon. Les mains faites pour l'or, j'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Alba. Bon, Luffy, on dirait que c'était un classique pour lui. Hein. Tu penses quoi de cette phrase, Luffy ? Ah, mon gars, ça, c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Tu dis cette phrase, ça a été motivé, mon gars. Tu grimpes une falaise. Vas-y, on passe sur le deuxième extrait. 1-0 pour Luffy. Hein ? Negrito. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ça ne vous dit rien ? Alors, remets-le. On va le remettre. Les autres, vous n'avez pas le droit de souffler. Hein. Mais... Je vois là, ça commence à se rapprocher. Ah, vous entendez pas ? Excusez-moi, ouais, il n'y a pas de retour dans les studios. Ok, je balance ça. C'est reparti. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Je sais pas. Non, ça vous dit rien, c'est pas ça. Bon, on va vous donner quelques indices. En vrai, attends, et si je te dis c'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Pouf movie. Non. C'est carré ça, wesh, cousin. Non, si on te dit Vince Hubert et Saïd. Comment ça s'appelle ? C'est pas. Ouais, je crois que j'ai dit une connerie. Moi, c'était Vacraqué. Presque. C'est pas loin. C'est pas presque loin. Ça. C'est en noir et blanc. Yamakasi. Non, je sais pas. Rocky. Noir et blanc. Vincent Cassel. Saïd Takmaoui. Attends. Saïd baisse la police. Wesh, qui lui ? Je vois lequel c'est, même, wesh. Hubert. Voilà. Hubert Koundé. Même il y a le truc où il regarde dans le miroir, là. Voilà, c'est ça. Tu sais jamais, je connais. Miroir. Miroir. La haine. Ah, bien vu. La haine. Oh ! Je connais, ouais. Vas-y, wesh, à la fin, il le fume. Vas-y, on accorde. Attends, mais je trouve le premier, moi, quand même. On accorde le point, là, normalement. Vas-y, tu grattes. Un point chacun, wesh. Un point chacun, vas-y. Il reste encore deux extraits, là. Trois extraits. Allez, c'est parti. Vous pouvez arrêter de jouer avec la voiture pendant que je parle, ou bien c'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de dernier avec David Talley. Taxi. Ninja. Mais Negrito, ouais, je suis endormi. Ça y est, tu connais la voix du bouc, wesh. Non, voilà. Ouais, attends, je crois qu'il a pas entendu. Tu vois, je t'ai dit, les films, c'est pas ça, moi. Là, Negrito, je te remets l'extrait. Non, faut mettre des sons, là, sinon ça va mettre cordon. Voilà, vas-y, parce que là, je m'endors, là, moi, ça, wesh, un peu, wesh. Vas-y. C'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de dernier acte depuis tout à l'heure. Ninja ! C'est bien. Ah, attends, si, je crois que ça me dit un truc. Non, mais c'est bon, on a trouvé. C'est bon, il a trouvé. C'est taxi. C'est 3-1. Il veut pas laisser un dernier. Et là, franchement, Negrito, je peux rien faire pour Watt. Hein. Oh, là, Ouais, mais je t'ai dit, les films, c'est pas ça, Masta. Attends, là, là, j'ai bien choisi en fonction de vos réseaux, tout ça. C'est parti. Putain, t'es vivant. Et je croyais qu'il t'avait buté au motel. Eh, ça va pour toi, mon pote, t'es bourré de thunes. Arrête, leur donne pas. Dadinho, mon c'est gars. C'est le fric. J'ai entendu, ouais. C'est après, va le buter, voilà. Son grand frère à l'autre. T'es bien, mon gars, wesh. Voilà, voilà, c'est vrai, c'est sa voix en plus. T'as vu? Lourd. Donc, vas-y, la victoire sans appel. Victoire sans appel. Moi, je peux voir le cadeau aussi, hein, quand sans même. Sans appel, t'inquiète, on se. Moi, je sais pas pour rien. Hein. T'inquiète, il y a un petit truc à minuit, un petit kebab, un truc comme ça. Vas-y, bref. Non, c'est déjà grave, chacal. T'inquiète, on va trouver un autre bail. Vas-y, tu peux voir. Mets-moi un petit jingle là pour rappeler les bails. Tu veux un jingle comment? Salé, sucré. Radio. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Ok les gars, avant de passer aux dernières questions, je vais envoyer un son de Negrito. C'est Piraterie 2. Donc je crois que c'est une exclue en plus, je crois. Ouais, il est pas encore terminé celui-là. Il est pas encore terminé. C'est un son qui est pas terminé. On est en train de faire le taf, mon gars. Non, ça c'est quoi? C'est la version 1 du mixage, t'as capté? C'est un avant-goût. Là, c'est une première mondiale. Je vais rajouter des trucs ou pas. Exclure. Là, c'est une première mondiale. Ouais. On passe des sons pas terminés. Vas-y, laisse partir. Hein? Grito. DLK. 2-5 qui pleut, 0. On dit quoi? Ma caniculaire grosse, paire de fesses dans la putelle. J'ai jamais tort, toujours raison, vol au PJ, j'ai perdu ma langue. Quand je vois de l'argent que t'as pas, les putes que t'as pas pour une paire de loupes et ta pine. Si tu m'as dans le four en tartine, c'est la haisse dans le frigo, tu veux faire le mec riche. Garde tes conseillers, les frappes pour le SMIC. Combien de matelots à bord, on quittait le navire et la juge à la barre. Ils envoyaient navré, j'ai les barbas, je mets des contrats, je mets des compos, personne sépare. Pour les plus grands, j'ai le pétard, touche carter pas. Par contre, au tard, flic, caille, toc toc, 6h du mat. Piraterie de piraterie de ouais piraterie. J'ai les pieds dans la merde, la tête dans les nuages. Tu m'as laissé les miens, je ne t'aurai pas la table. Frère dans la street et te tremper le rinage. Écoute pas cette chaîne, elle a saigné la cave. Pas plan A ni plan B. Pour montrer ce que je sais faire, pas besoin de tout scaper. Tes rappeurs sont pas prêts. Je maîtrise le coupé détaillé dans la cage d'escalier. À défaut de nounou, on finit au cinquième. Tu te fais du souci, mais bon, faut pas t'inquiète. Mélange cristalline et l'équipe au taquet. Ça crie dans la tête, le guetteur aux aguets. On sait ce qu'on a à faire, tu vas rien nous apprendre. On sait comment faire pour ne plus que tu répondes. Ça fait trois fois que je rallume le star. À ce type, je suis le renoir qui fout toujours le star. Bouteille de champ sur la table, une goutée montre sa chatte. Regarde-les, ils font tous les mecs chauds. Si je sors le clock, ils vont choc. Dans le club, j'ai la batte de baseball. Je suis toujours présent pour foutre le spell. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, vous êtes toujours dans la 25e, 22h minuit, tous les jeudis soirs. On est sur Radio Sud 101.8. Vous pouvez nous écouter sur Radio Sud.net. Et on est toujours là avec la balistique émission spéciale. Désolé les gars, j'ai failli lâcher une exclu. Non. J'ai des grands gestes. Ah non, il voulait faire un bail. Vas-y, on va continuer les questions. On est pile poil dans le timing. Donc on va continuer ça. Je voulais avoir les gars votre point de vue sur le rap actuelle. Est-ce que pour vous, le rap, le hip-hop en général, à l'échelle que ce soit internationale, nationale, locale, est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il est sous-coté? Est-ce que les mecs qui sont en radio, c'est pas représentatif? Est-ce que, c'est quoi votre avis, vous? C'est quoi votre vision du truc? Pour le rap français? Ça, comme tu veux, comme tu veux. Après, pour... parle du rap français. Moi, je pense le rap français, tu vois, non, dans le rap mondial, tu sais, il est deuxième, je pense, normalement. Tu sais, moi, je dirais, c'est quoi les premiers? C'est les Quinri, les premiers. Ouais. Après tu sais, je pense le rap français, je le classerais en deuxième quand même. Parce qu'après, tu sais, c'est vrai qu'il y a des grosses têtes, ils sont chauds, ça. Ils sont chauds. Ouais. Mais après, voilà que la France, ça fait le poids. Hein. Ouais. La France, ça fait le poids. Hein. Ça, j'ai pas entendu. La France, elle fait le poids contre les States un peu. Enfin, elle fait pas le poids. Il y en a, ils sont pas le poids. Mais il y en a qui, quand même, ils font la gif. Tu vois comment? Tu vois, des Lacrim, ils font des sons avec 6ix9ine, Snoop Dogg. Alors qu'il y en a, tu vois, ils font pas des sons avec. Ouais. Exact. Et est-ce que pour vous, le fait de, par exemple, un rappeur français va faire un featuring peut-être avec un Quinri reconnu, est-ce que pour vous, c'est. Ça veut dire qu'il a atteint peut-être un certain niveau? Ou bah, est-ce que c'est juste du beef, voilà, ouais, c'est du beef, mon gars. T'as du beef, t'as ce que tu veux, mon gars. C'est ça. Est-ce que c'est une question de beef ou voilà, c'est ça. C'est tout. Si, si, ok. C'est comme ça, de toute façon, c'est le business. C'est du biz. Bah. C'est du biz, on est d'accord. Ok. Vous, si on parle de vous, est-ce que dans le futur, admettons que vous continuez voilà, à faire vos bails, etc., ça marche, est-ce que vous resterez. Enfin, est-ce que vous aimeriez rester en indé? Donc ça veut dire peut-être développer votre propre truc, peut-être un label, peut-être je sais pas, ou signer dans un major ou dans un label ou j'en sais rien. Non, moi je pense label, je vais faire mon label, mon gars. Si, tu vois, imagine ça réussit, tu fais ton label, mais t'as capté pour tu vois, éditer tout ça, tu le fais toi-même, t'as capté, mais le reste pour le partage, tout ça, bah, la commercialisation, si tu fais des albums, tout ce que tu fais, t'as capté. T'es malin, ben, okay. Mon gars, là, il va falloir avoir un petit bail, tu vois, parce que c'est plus dur de gérer ça, vas-y. Après, l'objectif aussi de. Tu sais, de la plupart, l'objectif, c'est quoi? C'est de finir en indé, je pense. Ouais. Maintenant. Après, je suis là en mode journaliste, entre guillemets, tu vois, je donne pas vraiment mon avis, mais si, moi, je pense que c'est ça, c'est de finir, c'est. Parce que quand t'as signé, c'est, ça veut dire quoi? T'es dépendant, tu vois? Non, ouais. Et ton objectif, c'est d'être indépendant, tu vois? D'où le blaze indé. C'est pour ça que je dis ça. Yes. Si demain, Shug Knight, là, il vient, bon, ça risque pas, hein, il est bien enfermé. Il vient, il pose 10 millions sur BLK, ça dit quoi? Ça dit, ouais, cash, ouais. Ouais, mon gars, cash. Charou, mon gars, par contre, t'as eu? Bah là, du coup, là, ça, vous venez de dire tout le contraire. Mais, mon gars, faut lire. Tu sais, t'as capté, il faut lire les conditions, ma gueule, arrête de m'embrouiller. Non, vas-y. Non, mon gars, c'est pas ça que j'ai dit, moi. Moi, c'est pas ça que j'ai dit, moi. Moi, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit, tu sais, l'objectif des rappeurs, tu sais, c'est de finir un dé. Mais après, t'as capté. Tu finis un dé, mais tu sais, ça veut pas dire que tu commences un dé, tu vois ce que je veux dire. Ok. Genre, comme un truc à la Damso, là. Comme un truc à la Damso là qui était avec Booba. Et ça, c'est un truc de teutrer. Ça, c'est un truc de teutrer, mon gars. Ouais, j'étais là, tu étais avec un book, frère. Ouais. Tu finis le contrat, au moins, tu vois. Mais il a fini ce contrat. Il a fini le contrat. Ah, bah là, c'est Corda alors. Ah, il a fini le contrat. Il avait 3 projets, je crois. Ouais, il les a fait. Bah, il a pris son zéro et ciao. Ok. C'est ça. Vas-y. Si. Si, pour ceux qui n'ont pas compris, Jounes, il est là pour vous piquer un peu, hein, les gars. Il est là pour vous. Ah, j'ai capté, faut vous calmer. Oh, voilà, je commence à lancer des grenades. Tu vois, t'as capté ou pas? T'as capté. On va mourir ensemble. Et les gars, je voulais parler aussi des featuring. Est-ce que si, je sais pas, il y a un mec qui vient vous voir qui veut faire un feat avec vous, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes fermé? Est-ce que peut-être vous allez lui dire, ben ouais, mais nous, tu veux un feat avec nous? Ben tu payes. Tu vois, ça peut être ça aussi. Hein, ouais, ça peut le faire, ça, t'as capté. Parce que moi, tu sais, il y a un intérêt pour moi, tu vois comment. Mais vas-y, tu sais, je suis pas un bâtard. Ça veut dire, vas-y, si le gars, je kiffe ce qu'il fait, t'as capté. Je trouve ce qu'il fait, c'est bon, mon gars, ben pourquoi pas, wesh. Il y a un délire. Okay. Mais s'il n'y a pas de délire, on va rien faire, mon gars, wesh. Okay. Ça part d'un délire. Negrito, tu voulais rajouter un bail ou... Ouais, pareil. Ok, si. Bon, moi, là, je vais changer complètement. Peut-être pas complètement de sujet, mais bon, voilà, là, vous voyez, dans les studios, on est plein de bugs. Je pense que dans le Peura aussi, on est plein de bugs. Est-ce que pour vous, les femmes ont une place à prendre dans le rap? Est-ce qu'elles ont leur place? Est-ce que vous avez peut-être que vous kiffez, tu vois, des meufs qui Peura, tu vois? C'est, bah, c'est quoi votre place, avis, wesh. Tout le monde a sa place de toute façon. Tout le monde a sa place, y a pas de... Ouais, mais après les meufs, ils parlent trop de queumé, t'as capté? Que ils parlent de queumé, que ils parlent de queumé, stop. Ouais, après les bougues aussi, de... après, voilà, de... Ouais, mais tu sais, nous on s'attarde pas à ça, tu vois, ouais, comment, ouais. On parle d'autre chose. Ouais, parce que si tu t'attardes que à ça, ça y est, ma gueule, va faire des sons d'amour, mon pote. Ok, ok, ok, ok, ok. Si, si. Merci, merci, merci. Est-ce que... Attends, avant de passer à la suite, ouais, tu vas nous remettre un petit jingle pour rappeler aux gens quand même. Où on est, tu le veux comment, salé, sucré? Je sais pas, sauce, tu sais, la sauce NEM, là, la sauce NEM, je le trempe dedans. Avec les baguettes. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Rien qui trague, ce matin. Rien qui trague. Ouais, je t'ai dit, bien quoi. Là, t'es une maladie. Bon, les gars, on va parler projet maintenant. On va parler projet. Parce que je vois que vous êtes chaud, vous enchaînez les sons, vous naviguez, vous êtes dans les studios. Toujours, je vous ai sur Snap, toujours dans les studios, tout ça enregistré chez Bizal. Quel projet? C'est quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un truc dans le four? Est-ce qu'on déclare un truc? Et c'est quoi? Bah là, après, nous on a un objectif là. C'est à la rentrée, envoyer un projet là, mettre sur toutes les plateformes, okay. Plateformes téléchargeables, c'est-à-dire Spotify, Deezer et tout. Mm-hmm. Du coup, okay. on s'est donné comme objectif... Un petit EP. Voilà, un petit EP. Combien de titres à peu près? 6 titres. 6 titres? 6 titres, même 8. T'attends, on fera partie, ouais, ou quoi? Non, je pense pas. Ce sera ça. L'exclus, mon gars. T'as un amuse-gueule comme ça. Mon gars, ça sert à rien de remettre des trucs que t'as déjà goûté. Ouais. Après, exclus. Total exclus. Ça marche. On se reverra alors à la saison 2 alors. Il y a moyen, hein. Okay. Bien sûr. Ah mon gars, c'était moyen. Calme la prochaine fois, je suis cordant. C'est quoi? T'es calme, hein, c'était pas agressif comme ça là. Il va venir avec des grenades la prochaine fois. Je suis même pas à 30% pour te dire que je suis pas à fond. Si. Et est-ce que vous avez des clips ou des trucs qui vont sortir là bientôt ou c'est encore en... Ça arrive. Ça arrive, yes. Dites-moi où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, que ce soit YouTube, Snapchat, Facebook. Mais surtout Instagram. Instagram, c'est quoi votre Insta? LU2FY. LU2FY. LU-2-FY. Ok. Négato. NGRT-0. Ok. Et vous avez aussi le la balistique. La balistique. LABALISTIK. Ok. Et YouTube? Sur YouTube? La balistique. La balistique. LABALISTIK. Avec un K à la fin. Avec un cœur à la fin. Ok. On va faire un petit bail parce que nous, comme l'émission elle est nouvelle, on a essayé de faire un premier jingle et après on aimerait bien faire des jingles peut-être avec vos voix, tu vois, avec les voix des boucs qui passent. Bien sûr, c'est de la frappe. Donc ce qu'on aimerait bien tenter, que nous on passe le jingle et après vous vous mettez en mode on fait un jingle, peut-être parler de Radio Sud, la balistique, la 25e. Etc. Et après, on passe à la partie freestyle. Okay, c'est bon ou pas? Vas-y, passe tout le jingle, c'est parti. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. C'est à vous, les gars. Ouais, la BLK sur Radio Sud. La 25e. Il Shaolin, Jounes. Tu connais mon gars. Si. Oh ouais. Yes. Oh ouais. Bien vu. Luffy, tu nous fais un jiggle ou quoi? Bah, si tu veux de la bonne, il y en a par ici, mon pote. Si. Bien joué. Bon, les mecs, il est exactement 23h43. C'est-à-dire qu'il nous reste un petit quart d'heure de freestyle. Si. Je vais balancer, je crois que j'ai 3 prods en stock. Il y en a 2, c'est des faces B. Et il y en a une, c'est une face A d'un mec d'ici. Okay. Donc je voulais absolument la mettre dedans. Okay. Son blast c'est MBYH on the track. Vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un petit chez nous de Planoise. Lourd. Donc je te fais le big up aussi au passage. Et les deux autres, c'est surprise. Hein, vous allez voir au fur et à mesure. Donc je vais balancer. Si vous voulez pull up, on pull up. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est votre émission. Là. Si. C'est tout bon. Allez, c'est parti pour la partie... Freestyle dans la 25e avec la balistique, émission spéciale ce soir. Big up, on envoie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Negrito, DLK. Là j'ai frite ma conce, t'as fait ci, t'as fait ça, je trouve ça plutôt marrant. Hein? Investil m'a pessa, flow vestimentaire trop sale, j'investis ma prochain. La peufra est beaucoup trop hard, une insulte pour que je passe du coq à l'âne. Le juge est cocu donc il condamne. Pas du si tu viens ici gars, soit tu tiens la sacoche ou soit tu ravitailles. On manie un train de vie beaucoup trop dégueulasse. C'est toi le charbonneur, vas-y donne toute la liasse. Ah bon tu veux pas, on va te niquer ta race. Fumer comme une barbe au charras. Le guetteur il crie plus donc on s'arrache. Quand je l'allume ça crépite, c'est du bon gras. Pense qu'on donne, ferme ta gueule et puis basta. Basta. On se fait des 1-2 comme au Barça. Barça. Barça. Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça. LU2FY, LU2FY, il veut pull up la prod. Parce que je peux pas, c'est rien. La 25ème, jusqu'à minuit on est là, on est chaud. T'inquiète pas, la balistique. Bang. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Résidu de sang, au plus ou deux, tu vas faire quoi déguisé en kimono? Sur le corps du monoeil, gros cul à la refesse au corps. Des squares, on a laissé destroy. On tabasse pas de corps à corps, capuché jusqu'à voir dans le noir. Lunettes soudées sur le nez, on est trop chaud, faut écouter pour le croire. Choc l'odeur de mon camas de gène, virus, ma boule à 20, ça c'est 35. Une balle dans ta tête, maintenant parle. En loose, des locations, c'est la 45. Si t'es un traître, à mon ennemi, tu parles. Deux ans après, j'ai pris 10 cm et je te canne. Fais pas le fou, tu vas descendre 10 étages. Il t'aime bien, il déteste, c'est des fans. Tu l'ours, puis je vends son pelage. Tu l'ours puis je vends son pelage. Tu me nies de l'extincteur, t'inquiète ça gaz. Y'a les vrais, y'a les faux, y'a les pétasses. La servée de l'adversaire sous les sabates. S5 quand ça vient choc, ils sont corda. Le Lacoste pour costard, le Yon Climaco, ça sent bon dans le poche tard. Capuché dans le bec, ça découche tard. Et si tu nous douilles, y'a des touches-car. Touche-car. Putain, je suis rabat dans le corsa, la boisson vodka, je l'ai trop corsé. Y'a la baquette remonte sur la tête droite, grosse queue de poisson, je l'ai devancé. Je garde le sofa comme l'Antarctique, mais texte le rein, t'es trop de technique. Le montant de personne, je suis trop paisible. Après, je vais faire une boue pour m'apaiser. Paiser. Tu suis mon tempo, dis pas que t'aimes pas. Et la peuf, je la découpe avec un sabre. T'es une tentation, c'est le karma. Karma. De pas t'attendre, je vais te mettre corda. Corda. Le pour costard, capuché dans le bec, j'ai des couches tard. Je t'ai dit, ça m'a coûté pour un poche tard. Les gens qui peuvent, ça kiffe ma peuf froid. Peuf froid. PL, PL, K. K. PL, K. PL, PL, K. K. PL, K. PL, PL, K. K. PL, K. On est quatre dans la chop. Hein? On est quatre dans la chop. Hein? On est quatre dans la chop. On a quoi? C'est plus tout sa gueule quand on fasse, ils sont trois. Détaille la peufra qui démonte et détaille à les keufs qui débarquent. Oh Michael, c'est ma famille d'abord. Oh my god, on va les mettre d'accord. Business illégal, transaction régionale. J'enchaîne les péchés avec Vlad et Delhi. Laisse-moi quelques loquis, j'en rachète les 18. J'suis dans les starting, mais j'fais plus d'athlétisme. Plus j'grandis et plus j'perds des amis. Dans ma rétine, la gomme d'hypocrite, toute ma vie, rien que ça les hypnotise. Commerce triangulaire ou business maritime, j'suis dans l'argent facile, paraît-il. Elle lui devrait figurer balistique, j'suis toujours en jogging, j'voulais sporter des slims. Un simple freestyle pour que j'les porte de ta spi. La peur est trop haute, certaines femmes aussi. Les jaloux vont m'écrire, on me dit dans le rap t'as de l'avenir. Mais bon comme ça paye pas, je vais viser dans ma vie. J'suis tout seul et j'marche qu'avec le fil. Tu suces tout le monde, toi t'as rien à dire. Depuis peu j'ai des envies de crime, mais j'écoute les conseils de la famille. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Les tuas sont sur tech tech. Balistique. Delta. PLK, chargé à mon nom que j'ai perdu. Je faisais tellement de choses, je m'y perdais. Toujours au milieu de mon perpétuel, à trop vouloir, on en perd pied. Chant que les derniers seront les premiers. Waouh, waouh, chant que les derniers seront les premiers. Waouh, waouh, j'ai caché plein de rêves de mon sommeil. cahier. Les gars, je suis loin de vous, mes carriers. J'ai cramé tous les pieds dans le cendrier. Mais dans mon cœur est en chantier. Fuck tout ça mène, j'me dis où ça mène. Yo, est-ce que je peux faire ou bien c'est l'inverse. Yo, difficile de suivre un chemin qui est LNR. Wow, wow, wow, électronique, je veux la maille de Kelly Jenner. Wow, wow, wow, difficile de suivre un chemin qui est LNR. Wow, wow, wow, électronique, je veux la maille de Kelly Jenner. Wow, wow, wow, ça fait grave longtemps que je vois kicker. J'en ai plein dans la tête, wow. Quand t'écoutes, tu dis qui c'est. C'est corps m'amène, tu te rappelles, wow. Tu l'as pour faire des dégâts, prends les cartes, j'ai les cartes en main, impulsif en végéta. La force de végéta, je perds mes notions et mes émotions. À cause de la potion dans mon gosier, wow. À cause de la potion dans mon gosier. G-O-R, ma gueule, G-O-R. La 25e, la 25e, la 25e, wow, wow. Les gens sont sur tic-tic, hein, les braves sur le terre-terre. Les gens sont sur tic-tic, les gens sont sur tic-tic, les braves sur le terre-terre. Que du bif pour se mettre bête tout l'été, ce qu'il te faut c'est du bon terre. Même en vacances je vais en garde-ave, pars pas de bouquille si tu pénaves. 20 grammes dans la fouille puis je sors peinard. Fais des tours et c'est tricard. Barreau dans le job à ses côtés, capuché, calibré côté passager. Agent, je suis ZRF, je suis passage. Tous les jours j'ai la rage, un croc dans mes bas, je peux pas partager. Dans le son je fais des passements jump. Sombrero, petit pont, je la mets ras du sol comme mota. Au feu rouge, mes tempêtes à deux motards. 350 chevaux sous le capot, gros moteur. Gros tard, belvédère, on est tous mineurs. On vit la vie des grands, surveillez vos 6 heures. Coffre la détail chez la babysitter. J'ai fait nappe avant-hier, pas serein à 6 heures. Bang, bang. Change de bail, s'il y en a qui veulent kicker, ils peuvent s'approcher. Y'a Gore qui était là. Ouais, Gino, mon gars, tu peux kicker. Ah, viens kicker, wesh, mon gars, wesh. Tu peux pas kicker, sur. Il entend pas les trois, tu crois. Oh, viens, je te file. Viens, je te file, wesh. C'est bon, wesh. Ah, bah. Voilà, moi, j'ai pas trop. Ouais. Moi je sais pas si c'est la bro. Ba ba ba ba ba. Ah moi c'est à moi la bro. Ouais. C'est pas viable, c'est pas viable. Et Gino, rappe pas là-dessus. Tu peux, je sais que tu peux mon gars. Mais rappe pas là-dessus, change. Change-moi cette prod. Y'a mieux pour Edinho, y'a mieux. Bangs, bangs, bangs. L'autre que t'as là. Celle-là, ma gueule. Ok. Ouais. Chao, pull up, s'il te plaît. Ouais. Y'a de la meca dans le hood. Y'a des meards dans le hood. Ouais. Ok. 23h53. Ouais. La 25e. Ouais. Soirée Belka. On est là. Gordère le mic, Elio. Ouais. Y'a de la meca dans le hood. Ouais. Ouais. Y'a de la meard dans le hood. Ouais. Ouais. Ouais. Y'a de la pécane dans le hood. Bangs, bangs. Hey, dans le hood, tu trouveras ce qu'il te faut dans le hood. Elle tape dans la rue puis fait tourner la cocaïne. Me suis fait dans la douleur, no pain no gain. Même sur le beat, on est sanglant. On le fait sans gants, on a besoin d'argent. Faut la mentale, un peu d'acharnement. Le bon comportement pour les faire autrement. Bang, hey. J'ai tout donné pour mon squad. Hey, sur le rein, t'es dans un stade. Hey, papy prisonnier dans un stalag. Hey, j'ferai la couverture du mag. Bang, bang. Je vais tellement briller, t'auras mal aux yeux. Tu te crois au-dessus de moi, vas-y fais un vœu. Je vais chanter ta biche, c'est pour ça qu'il pleut. Avec la déter, on obtient ce qu'on veut. 40 degrés, je mets la barre haute. C'est mon plan, c'est t'as le barreau. La quête à 2-5, c'est le tarot. Hasba, mes frères, et ça t'arrose. Beaucoup de méga va s'en fume. Beaucoup de méga va font des thunes. Tu vois de quoi je parle, tout ça c'est la rue. Si la hnouche débarque, faut rester à l'affût. On est réel, pas de faux vécu. Y'a que sur un son qu'on s'est mis à nu. Tout ça c'est cru, gratté dans la rue. Ouais, gratté dans la rue. Non, non, non, je n'ai pas changé de team. On ne change pas l'équipe qui gagne. On a fait du bif, on a fait du bif. On a mis de côté à l'épargne. Celui qui a plus de fric, celui qui a plus de fric, bah c'est celui qui gagne. Tout ça c'est sans sas, tout ça c'est réel. Tout ça c'est sans tasse, tout ça c'est réel. ouais. Les billets s'entassent, il devient moins fidèle, ouais. Ouais, il va retourner sa veste, te faire une faux d'elle, ouais. Hey Gino, on pull up celle-là ou quoi, Léo? On va terminer avec. Ouais, Léo Favelas, poteau. On va terminer avec mon gars, Léo. Puriste. Ouais. Yeah, yeah, yeah, toujours dans la 25ème. Banks, banks, banks. Radio Sud. Enchaîne, hein. 101. Après, on laisse. On est là. Léo Puriste. Aïe. Pour tous les rêves, ouais. Ils sont là. Ya ya, eh eh eh eh. Ya ya, eh eh eh eh. Ya, eh eh eh. Bang, squad. Ya. Auréole absorbée par la capuche. Tirer la gorge et soigne ma capuche. On t'a moche si tu viens faire grabuche. Les témoins t'accusent, tu mérites la taloche. Évite la galoche car elle a trop paluche. Un très gros paluchon de videuse de baloche. Vicieuse et pas moche sur ta planche, fais de la luge. J'ai fait briser sa lune à quatre pattes dans la loge. Logique, on les égasse, on les mécrase au collège. Je rappe sous extraction de pollen. Pas un destra d'autres molestes, on dégrade au protège. On fait le grave. Ronfler grave, on connaît, ça fait croire qu'on dormait. Avancer les projets en sous-marin. Goûte ce qu'on a concocté à l'écart de mon côté. Avant que l'écro mette dans le four, gamin. Ouais. Léo, Léo. Léo Puriste. Léo Favelas, poto. Léo Puriste. Léo, Léo Puriste. Le temps passe, me laisse de plaisir. Tout ce qu'on a perdu, soyons forts pour tout ce qu'on a perdu. Yeah, yeah, yeah. Le temps passe, me laisse de plaisir. Ouais. Tout ce qu'on a perdu, soyons forts pour. Ce qu'on a perdu, j'espère que les potes ont perdu. On sait que c'est dur, wow, wow. D'aller chercher les thunes, de faire de grandes études. En ces temps, faut croire en l'humanité. Les gars, j'ai une idée. Et si on se laissait, pourquoi pas, on pourrait subsister. Y'a que la haine que vous suscitez. Regardez les jeunes qui se soucient de mais qui se soucient de. C'est un problème de société. Squad, tout ça, mon cœur qui se miette. Ouais. Je veux pas me décaler si t'arrives. Hey, chez toi t'es taré, c'est ta Yves. Ouais. J'ai passé année à préparer le tarif. Laissez place au canet, on a placé le baril. C'est Bezac et Paris, c'est Begrac et Para. Vincent Caparé, l'X, il y a des parages. Cousin t'es qu'à parier, je suis dans le haut du panier, t'es dans le fond du garage. Ouais, ouais. Ça y est, rien que tu rages. J'enclenche des gars, j'ai passé des scannés. Scanné, je lâche car stagné, me gaffe et ça de l'école au cas d'escalier. J'ai gagné car je vais garder le cap et pas m'écarter, palmier. Pas les pattes, je réclame car je veux ramener le cash et me barrer. Ok, ok. Ouais. Vas-y, termine, Eddy. Vas-y, laisse tomber, fini, vas-y, c'est bon. T'inquiète. C'est bon, c'est carré. Ok, ok. On va essayer de respecter les horaires. Les horaires, t'as cassé jusqu'à minuit. On est là jeudi prochain, on va passer, de toute façon. Hein. Voilà, exactement. Le studio, il s'envole pas. Le studio ne s'envole pas, exactement. La 25ème, mon gars. La 25ème, on va passer un dernier son de la BLK. Et puis on va rendre l'antenne. Donc ce soir, c'était spécial La Balistique sur Radio Sud.8. Radio Sud.net, excusez-moi, 101.8. Chao, Jounes. Jounes, t'as un petit truc à dire avant qu'on. Qu'on les laisse. On veut remballer. C'est parti, dernier son de la BLK. Bicrave la résine, il y a des milliards de raisons. Un peu de zèle, je mets bien mes gavons au placard pour des ouais, ouais, ouais. Ok. Là, c'est Luffy. Voilà, on remercie tout le monde. Moi, en tout cas, je remercie tout le monde, ceux qui étaient présents ici à Radio Sud. On est là, on donne la force. Voilà. Voilà. Force à tout le monde. Force à Chao. À Junes aussi. L'homme qui pique. Voilà. À tout le monde qui était présent, que ça donne la force, on est là, on supporte tous. Ça bouge pas, solide. Ça bouge pas, solide. Force à nous, force à vous. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo, yo.